Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Fois. Au multi-concessionnaire de Dolbeau-Mistassini, je te dis samedi soir contre la Haute-Côte-Nord. Et qui jouait devant le filet? L'ancien gardien de but de la première moulée du multi-concessionnaire, Francis Bouliane. Et là, j'ai dit, il faut que je l'appelle pour savoir où ce qui est rendu, pourquoi il a accepté de regarder le filet avec le multi-concessionnaire 2.0. On lui parle. Salut Francis! Hey, Francis, d'abord, j'ai été surpris de te voir devant le filet vendredi soir. Tu demeures à Montréal, c'est ça? Oui, je suis rendu à Montréal. OK. Comment c'est arrivé l'approche? Parce que ça n'a pas été évident de garder les filets à tous les 15 jours pour le multi. Non, c'est sûr. Ben, c'est sûr que moi, j'ai toujours continué à jouer au hockey là, dans les ligues, dans les tournois. Okay. C'est sûr que de garder un niveau de compétition, c'est qu'on en perd un peu à toutes les années. Là, donc, j'ai eu l'opportunité, le multiconcessionnaire m'a appelé pour me donner l'opportunité de rejouer compétition là, rendu à mon âge. Là, donc moi, ça n'a pas pris trop de temps que j'ai accepté. OK. Dis-moi, Francis, ça te donne une belle occasion de revenir plus souvent dans la région. Je sais pas si tu venais souvent, là, mais si tu vas venir encore plus souvent que le multi, là. Ouais, ben, je me promenais pas mal, là, mais ouais, je vais aller voir la famille un petit peu plus souvent. OK. Comment t'as trouvé le calibre? Ben, j'adorais ça, en fait. C'est une de mes premières questions, là. En fait, c'est de voir où est-ce que je me situais là-dedans, là, parce que, comme je te disais tantôt, ça faisait un petit bout que j'avais pas joué compétition. Okay. Mais ça ressemblait quand même un peu à ce qu'on retrouvait dans les tournois amateurs, mais c'est une coche au-dessus parce que là, bon, là, tu rentres le contact là-dedans, puis là, le niveau, les joueurs sont meilleurs. Je veux dire, la profondeur des équipes est beaucoup meilleure parce que tu retrouves tous les meilleurs joueurs au Lac-Saint-Jean, les meilleurs joueurs au Saguenay, à Charlevoix puis à Côte-Nord. Donc, c'est sûr que le niveau est relevé, là, mais j'ai adoré ça. OK. Dis-moi, fait que c'est sûr que... Puis il y a la gang aussi qui revient, tandis qu'un tournoi, quelque part, c'est juste un tournoi, là. Tandis que là, c'est l'esprit de gang qui revient. Ça doit être ça qui entraîne beaucoup aussi, qui doit motiver aussi, là. Oui, exactement. C'est plein de joueurs qu'on a joué ensemble quand on était plus jeunes, soit qu'on a joué contre, justement, dans les tournois ou... qu'on a entendu parler. Si je parle de Steven Girard, que moi je n'ai tout le temps entendu parler quand il était plus jeune, que c'est un excellent joueur, puis j'ai tout le temps joué contre dans les tournois, mais j'ai jamais eu la chance de jouer avec. Donc tu sais, c'est un coéquipier que je connaissais pas nécessairement, puis que d'avoir la chance de jouer avec un joueur comme ça, ben c'est pas le fun. OK. Dis-moi, là, comment ça va fonctionner? Parce que là, j'ai parlé avec Simon Landreville, parce que moi, on me dit au match en fin de semaine que tu seras pas là tout le temps. Là. Vous allez alterner avec Simon Landreville, c'est ça? Exact. Ben, en fait, Simon, lui, est à Sherbrooke, donc c'est sûr que ça fait une petite trotte de descendre au lac. Donc c'est sûr que pour lui, se descendre toutes les fins de semaine, c'est peut-être un peu demandant. Donc c'est ça, on va s'alterner dans le fond pour que ça devienne trop lourd pour nous deux, là. Donc, Simon devrait venir environ une fois sur deux, puis moi environ l'autre fois sur deux. Là. Puis okay. Après ça, on va sûrement regarder ça ensemble pour la saison. C'est un Gaudreau qui devait... Le backup, c'est qui? Ouais, c'est Sébastien Gaudreau. OK. Dans le fond, Sébastien, je te dirais que c'est un coéquipier parfait pour... Non, c'est vraiment... C'est un bon Jack. Il est tout le temps là pour l'équipe. Lui, il vient sur la route aussi, puis... Il va tout le temps avoir le bon mot pour nous encourager, puis si jamais que ça va bien ou que ça va mal, il va tout le temps être là pour nous autres, puis moi j'adore vraiment travailler avec, là. Lui il a joué avec les Castors, je pense, hein? Eh boy, s'il a joué avec les Castors, ça se peut très bien, ouais, là, mais ça doit faire un petit bout, là, il est un petit peu plus loin. Okay. Je me trompe pas, il y a une couple d'années plus que moi, fait qu'on s'est parlé un petit peu de ça, justement, de son parcours. Puis il a joué quand il était senior, c'était là, Robert Val aussi, ah, okay. Il avait joué là. Puis non, c'est un gars qui a un bon bagage de hockey, puis il amène ça au multiconcessionnaire, donc c'est vraiment le fun. OK. Moi, ce que j'ai aimé aussi samedi, c'est de voir le monde. Il y a beaucoup de monde pour un match comme ça, là, puis c'est un match régulier. Ouais. C'était pas une série. Oui, moi, ça m'a vraiment... Oui, non, c'est ça. Moi, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment impressionné parce que... Justement, tu parlais tantôt de la première mouture du multiconcessionnaire en junior 3A, puis tu sais, je trouve qu'on surpasse même les assistances de ces éditions-là, parce que j'imagine que c'est justement l'engouement que les joueurs locaux amènent aussi. Là, tu sais, il y a un sentiment d'appartenance, je pense dans la ville, puis il y a vraiment une belle réponse au niveau... citoyen là par rapport à ça. Ben, t'étais dans l'équipe, la première équipe du multiconcessionnaire. Ce que les gens avaient pas compris à l'époque, c'est qu'on me disait que c'était pas des joueurs locaux, mais c'est la même histoire que les Saguenayens. Tu peux pas avoir 18 joueurs locaux, là. C'est la même affaire, là. Donc, les gens, malheureusement, ont pas compris. Les médias ont pas embarqué. Mais là, par contre, c'est tous des joueurs d'ici. Fait que les joueurs, ça fait amener mon oncle, ma tante, père, mère, blonde, enfant, et ainsi de suite. Là. Fait que ça, c'est ça qui motive aussi. Ouais, exactement. C'est ça. C'est des joueurs, des personnes que le hockey, ça venait peut-être moins rejoindre avec la mission soutenaire dans le temps de junior 3. Ben là, ben, les personnes-là, comme tu dis, sont peut-être plus enclins à venir au game parce que bon, ils connaissent la plupart des joueurs. OK. Dis-moi, là, t'es rendu à Montréal. Tu fais quoi à Montréal? Mmh. T'es professeur d'éducation physique, je pense, hein? Ah, moi, je suis enseignant en mathématiques. OK. C'est mon frère, en fait, qui est enseignant en éducation physique. OK. Puis, moi, je suis enseignant pour Challenge U. Steve ouais, Bégin. C'est la même compagnie que Steve exactement. Bégin. Exactement. Puis c'est ça, c'est avec cette compagnie-là que Steve Bégin a terminé son secondaire. Ouais. Justement, on va aller le graduer ce jeudi au Centre Bell. C'est spécial, hein, de voir Steve Bégin. Moi, j'avais fait une entrevue l'an passé avec lui. C'est quand même spécial d'avoir un gars qui a gagné des millions, que lui, son but, c'est un rêve pour lui de finir son secondaire 5. C'est quand même spécial. Oui, exactement. Puis c'est ça, moi, j'ai eu la chance de m'entretenir un peu avec parce que j'ai surveillé un de ses examens. Ouais. Puis c'est un examen en poésie en plus. Mais bon, il était stressé un peu. Non, mais tu sais, lui, c'est super important. Comme il a mentionné dans plusieurs entrevues, lui, il voulait vraiment donner l'exemple. Mais je pense que ça a été ça un petit peu son parcours. Il a tout le temps voulu, quand il jouait avec les Canadiens, il a tout le temps voulu être un gars qui prêchait par l'exemple. Donc, il continue dans cette même veine, même après sa carrière. Donc, nous autres, c'est sûr que c'est un modèle, puis qu'on apprécie vraiment ce qu'il a fait pour ça, parce que ça donne vraiment... Ça donne vraiment le ton là pour Challenge You là, pour dire gars, c'est la meilleure personne pour représenter ben oui, les valeurs ben de Challenge. Ben oui, puis c'est bien fait. Puis je pense que c'est l'économie de demain. C'est en ligne, c'est l'éducation en ligne. C'est ça, pas l'économie, mais je veux dire, c'est l'éducation de demain. Il va falloir qu'il y ait des cours en ligne qui se donnent plus maintenant si c'est possible. Hey Francis, t'es professeur de mathématiques. Est-ce que tu plais à Montréal? Oui, j'adore ça. Bon, en fait, j'adore mon emploi, puis la ville, ben c'est sûr que ça bouge beaucoup, mais est-ce que t'aimerais... puis je m'y habitue. Est-ce que t'aimerais revenir au Lac-Saint-Jean? Parce que moi, cet temps, on disait qu'il y avait une pénurie de professeurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais envisager? Oui, ben c'est sûr. Moi, je suis encore très, très, très proche de ma région, là, donc pour l'instant, c'est sûr que c'est pas possible pour moi avec l'emploi que j'ai, mais c'est un emploi quand même qui peut se réaliser à distance. Donc, si je travaille sur les ordinateurs, donc tu sais, moi, c'est sûr que dans un avenir rapproché, tu sais, je vais analyser ça annuellement pour voir des fois si parce que c'est quand même une compagnie, ça fait environ 3 ans que ça existe, donc si ça encore jeune, ça se développe beaucoup. Puis à un moment donné, peut-être bien que ça va se stabiliser aussi, que bon, ça va se développer. Il va y avoir moins de travail au niveau du développement parce que je m'implique aussi à ce niveau-là. Puis ben, à ce moment-là, ben peut-être bien que ça va être possible de travailler à distance plus près de ma région un peu. Mais au niveau tradition traditionnelle, le système d'éducation traditionnel, le fait qu'il n'y a pas de professeur. Qu'il n'y a pas de professeur ici, de cet ainsi une pénurie, ça t'encourage-tu à revenir ou? Ben, c'est sûr. Mais je dirais que c'est un petit peu à grandeur de la province. Là. Okay. C'est pas juste au lac Saint-Jean. Moi, pour commencer ma carrière, il faut que je, m'éloigne un petit peu dans une petite région de l'Outaouais, dans le Pontiac. Ouais, exactement. Puis, tu sais, c'est pas évident. Là, faut vraiment se promener où est-ce qu'il y a du travail. Puis, bon, ben, on entend dire que... Moi, quand j'ai sorti de l'université, on entendait dire qu'il allait y avoir beaucoup d'emplois disponibles. Puis, ben, ça n'a pas été nécessairement le cas, mais ça a l'air que ça devrait arriver dans les prochaines années encore. Donc, pour les futurs enseignants, ben, c'est peut-être encourageant aussi. Mais pour l'instant, c'est peut-être un petit peu plus. C'est sûr que le cours... Là, je vais être méchant. Moins de danger pour le burn-out. le système d'éducation que tu es actuellement. Francis, un gros merci. On se reparle sûrement durant l'année. Ça fait plaisir, Dan. Francis Bouliane du Multiconcessionnaire 2.0.